Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode des 12 travaux des chevaliers. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment le chevalier du Verseau a obtenu son armure. Alors que je faisais mon jogging, j'entendis un bruit de combat. Sur place, je découvre une jeune fille ensanglantée portant une armure. Alors que je m'apprête à lui porter secours, elle me demande de m'éloigner, car un groupe d'hommes, eux aussi en armure bleue, apparaît. Le seul en armure orange dit alors « Marie du Lama, tu ne survivras pas à une deuxième attaque par l'aurore boréale, par le crachat du Lama. Une puissante onde de choc glacée me fait perdre l'équilibre. Lorsque la fumée se dissipe, je m'aperçois que la jeune fille est à terre. « Marinas, débarrassez-moi de ce gêneur, dit le chef, avant de descendre dans la vilaine où il s'enfonce jusqu'à disparaître totalement de la surface. Ses sbires se jettent sur moi. Je me débats en pensant ma dernière heure arriver, quand tout à coup, une lumière dorée brille dans l'eau. Une urne en or sort des flots. Elle s'ouvre et une armure du même métal vient alors recouvrir mon corps. Débordant d'énergie, de la glace sort de mes poings et tue mes assaillants. La jeune fille me dit alors « Je suis Marie du Lama, et cette armure t'a choisi pour être le nouveau chevalier d'or du Verseau. Va au sanctuaire en Grèce pour la grande réunion organisée par le grand pope. » J'obéis à ses dernières volontés et la laisse là, car un passant va certainement bientôt retrouver son corps. Je vous dis donc au revoir à tous.